Aujourd'hui, la température moyenne à la surface de la Terre est d'environ 15 degrés Celsius. Tel n'a pas toujours été le cas, loin s'en faut. Si on remonte au tout début de l'histoire de notre planète, il y a environ 4 milliards et demi d'années, la température ambiante était vraisemblablement autour des 5000 degrés, bien loin de l'agréable astre tempéré recouvert d'eau liquide que nous connaissons aujourd'hui. C'est un immense océan de magma en fusion profond de plusieurs centaines de kilomètres. Comment est-on passé de cet astre brûlant à la douce planète tempérée qui est la nôtre? Et combien de temps s'est opéré ce refroidissement? Et pour quelle raison? Terre primitive, chaud bouillant, c'est le programme bien chaleureux qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer les premières centaines de millions d'années de notre planète et tâcher de comprendre comment elle a changé d'état et comment sont apparus non seulement les plateaux continentaux, mais aussi les planchers océaniques et l'eau liquide in fine, nous avons le plaisir de recevoir pour évoquer tout cela Jean-Pierre Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, directeur au laboratoire de planétologie et géodynamique à l'Université de Nantes et au Muséum national d'histoire naturelle. Et nous sommes en ligne avec Hervé Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de géologie et géochimie à l'Université Clermont-Auvergne, au laboratoire Magmas et Volcans, équipe de géochimie. Mais on commence par celle qui doit traiter l'actualité scientifique bouillante avant qu'elle ne refroidisse chaque jour. C'est Natacha Triot pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence avec une étude parue dans la revue Nature. Pour la première fois, les physiciens du CERN ont refroidi de l'antimatière avec des lasers. Oui, l'antimatière, comme son nom l'indique, c'est de la matière, mais avec une charge électrique opposée. Et son étude est l'un des grands défis de la physique. Qu'est-il arrivé à l'antimatière après le Big Bang, puisqu'elle n'existe qu'en infime quantité dans notre univers? Alors, ces dernières années, grâce à l'accélérateur de particules du CERN et grâce à son décélérateur d'antiprotons, on peut étudier plus finement son spectre ou sa réaction à la gravité, pour tenter de comprendre si sa charge électrique est la seule différence avec la matière. Alors, les chercheurs du projet Alpha du CERN ont réussi à refroidir au laser des atomes d'antihydrogène. L'antihydrogène est l'atome d'antimatière composé d'un antiproton et d'un positron. Refroidir au laser des atomes d'antihydrogène, c'est-à-dire les ralentir, c'est important car cela permet d'affiner les mesures spectroscopiques et gravitationnelles de l'antihydrogène. De plus, manipuler comme ça le mouvement des atomes d'antimatière par la lumière laser peut potentiellement révolutionner la physique des particules, avec notamment le développement futur de l'interférométrie antiatome ou la création de molécules d'antimatière. Et le lien, comme chaque jour, de cette étude vers cette étude de la revue Nature, vous pouvez le retrouver sur notre fil Twitter, @laméthodefc, ainsi que bien plus tard sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. The International AIDS Vaccine Initiative a présenté les premiers résultats d'un essai clinique de phase 1 pour un vaccin contre le VIH, Natacha. D'ailleurs, ce n'est qu'un communiqué de presse, il n'y a pas encore d'études publiées, mais l'organisation présente une nouvelle approche. Cette stratégie s'appelle le ciblage de la lignée germinale. L'idée est de prévenir les infections en stimulant la production de cellules immunitaires rares, des anticorps humains neutralisant à large spectre, les BNAB. Alors, lors de l'essai clinique, 48 participants ont reçu soit un vaccin, soit un placebo. 97% de ceux qui ont reçu le vaccin ont bien développé les cellules immunitaires souhaitées, qui sont capables de neutraliser diverses souches du virus. Le concept de ce vaccin pourrait aussi être appliqué à d'autres pathologies telles que la dengue, le Zika et même le paludisme. Voilà, des résultats très très préliminaires, hein, évidemment, il faut le rappeler. Mais nous vous parlerons bientôt dans une émission complète de cette question des anticorps à large spectre. Autre bref, Natacha, une étude parue dans la revue Cryosphère qui a déterminé le point de bascule de l'un des plus importants glaciers en Antarctique. Oui, pour les glaciologues, le point de bascule ou le tipping point, c'est le seuil critique au-delà duquel la disparition et la fonte totale d'un glacier devient irréversible et irrémédiable. Une équipe germano-britannique a évalué les indicateurs d'alerte du glacier de l'île du Pin, en Antarctique. Un glacier dont la fonte contribue déjà à l'élévation mondiale du niveau de la mer. Les auteurs ont identifié trois points de bascule, dont le dernier serait déclenché par un réchauffement de l'océan d'environ 1,2 degré, avec pour conséquence l'effondrement total de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidentale. Et pour finir sur Mars, la mission InSight continue d'enregistrer des séismes martiens. Oui, depuis 2019, l'atterrisseur InSight de la NASA et son sismomètre SEIS ont déjà enregistré plus de 500 secousses souterraines. Le 7 et le 18 mars dernier, SEIS a enregistré deux signaux clairs et puissants d'une magnitude de 3,1 et 3,3. Ils font partie des meilleurs enregistrements de tremblements de Mars. Ils proviennent de la région appelée Cerberus Fossae, qui est proche de l'équateur martien et qui semble être le centre d'activité sismique de la planète. En janvier dernier, la mission InSight a été prolongée de 2 ans. Elle devrait rapporter le registre le plus détaillé de toute l'activité sismique martienne. Voilà, en anglais, on appelle ça des Marsquakes, hein, puisqu'on ne peut évidemment pas dire Earthquakes, puisque ce n'est pas la Terre et que c'est Mars. Merci pour cette précision, Nicolas Martin, et merci pour ce journal des sciences, Natacha Triou. Et on vous retrouve demain pour le prochain JDS. Selon la datation officielle la plus précise que l'on puisse donner aujourd'hui, la Terre, notre belle planète, serait âgée de 4 567 millions d'années. Une datation loin d'être évidente à effectuer, comme on va le voir, notamment parce que eh bien, de cette époque initiale, de l'agrégation du disque planétaire de poussière, de planétésimaux et de fragments rocheux, il ne reste pour ainsi dire plus rien, ou plutôt rien en surface. Il y a 4 milliards et demi d'années, la Terre primitive était un amas rocheux en fusion, bombardé constamment d'autres corps, avec pour conséquence de créer eh bien, la planète que nous connaissons, mais dans un tout autre état, recouvert d'une épaisse couche de magma en fusion. Quelles sont les étapes qui ont conduit cet astre à refroidir, à se doter d'une atmosphère, d'un manteau, d'une croûte, d'un noyau et de tout le reste, à savoir des continents et un immense océan d'eau liquide tempérée? Voici ce qu'en disait André Cailleux, professeur à la Faculté des sciences de géologie et directeur de recherche géographique à l'Université de Laval au Canada. Dans La Science en Marche, nous sommes sur France Culture en 1969. Il me paraît que beaucoup de faits terrestres s'expliquent en admettant précisément, en partant alors, si vous voulez, en prenant le départ à cette phase d'échauffement dans laquelle les corps terrestres auraient été de gazeux. Et puis, lorsque la température, cette masse gazeuse, se rayonne de la chaleur, elle tend donc à se refroidir. Et lorsque, dans son refroidissement, elle atteint les environs de 4000-3000 degrés, il commence à se former des composés chimiques, des hydrures, des fluorures. Et on a finalement des précipitations de corps après la phase d'hydrure des oxydes, et on a finalement un dépôt de fluide silicaté. Il y aurait des océans. Des océans de roches silicatées. C'est ça, ce serait des laves, n'est-ce pas, des sortes de laves, soit basaltiques, soit granitiques, soit d'autres compositions. Voilà André Cailleux qui décrit cette Terre primitive recouverte d'océans de lave. Une réaction, Jean-Pierre Laurent? Alors tout d'abord, c'est une image d'il y a 50 ans. Et depuis 50 ans, je pense qu'il faut quand même souligner qu'on a fait d'énormes progrès. Il y a eu l'étude des roches lunaires, il y a eu l'étude des météorites, et puis bien entendu l'arrivée de très nombreuses méthodes analytiques qui ont permis de discerner un certain nombre de traces qu'on ne voyait pas encore il y a 50 ans. Mmh. Alors une petite réaction déjà sur l'âge de la Terre, il est très difficile, voire impossible, de donner un top départ. Ces 4,567 milliards d'années, c'est en fait la datation qu'on a obtenue sur certaines météorites, qu'on appelle les chondrites, en particulier les chondrites carbonées, qui contiennent des objets très riches, comme le disait Monsieur Cailleux, en oxyde d'aluminium, et qui donne ces âges très anciens, qui en fait sont le top départ des solides du système solaire. Alors on va y revenir dans un instant, mais c'est intéressant tout de même, une précision Jean-Pierre Laurent, comment est-ce qu'on peut dater la Terre à partir de météorites, c'est-à-dire de choses qui viennent de l'extérieur de la Terre? Quelle est cette logique? La logique, c'est qu'il faut remonter au système solaire. Le système solaire, au départ, c'est un nuage moléculaire d'hydrogène, avec un peu de poussière venant de la destruction d'étoiles primitive, préexistant au système solaire. Ce système solaire s'est effondré sur lui-même. suite aussi certainement à l'explosion d'une supernova pas loin. Et donc, par contraction et rapprochement des particules, et cette fameuse séquence de condensation que décrivait André Cailleux, on arrive à un certain nombre de solides primitifs, qui sont des solides qu'on appelle réfractaires, de haute température. Et ces solides vont être ensuite agglomérés par la phase d'accrétion, la première phase d'accrétion. Et en fait, les météorites et la Terre ont un ancêtre commun, un tout début d'histoire commune. La divergence va se produire après. On va revenir sur toutes ces études, toutes ces précisions et l'histoire des tout débuts de la Terre, de l'agrégation justement de ce disque protoplanétaire. J'aimerais juste entendre Hervé Martin sur votre réaction justement à ces propos d'André Cailleux et à l'évolution que l'on a de la compréhension de ces premiers instants de la Terre depuis la fin des années 60. Oui, je pense effectivement que un des gros problèmes qui réside dans la datation de la formation de la Terre, dans cet âge que vous venez de citer, c'est que la formation de la Terre a été, comme la formation des autres planètes, a été un phénomène qui s'est écoulé sur une période de temps relativement longue. Et on essaie de mettre un chiffre ponctuel, un chiffre précis sur, en fait, une période de temps. Et donc c'est là qu'est toute la difficulté de dater, en fait, la formation de la planète. Alors, comme le disait Jean-Pierre, effectivement, cet âge de 4 567 millions d'années, c'est l'âge du début de la condensation pour former ces premières particules solides. Donc, mais ça n'est ni l'âge du système solaire, ni l'âge proprement dit de la Terre ou des premiers continents. C'est un âge que l'on prend comme le T0, comme quelque chose de théorique. Oui, parce que ce qui est intéressant, Jean-Pierre Laurent, alors on va reparler de ces difficultés de datation des premiers instants, c'est que, et je parle sous votre contrôle à l'un et à l'autre, les plus anciens fragments datés retrouvés sur Terre datent de 4,4 milliards d'années. Ça fait quand même une centaine d'années, un peu plus, 167 millions d'années de différence, ce qui n'est pas un petit temps. Tout à fait. Ce qui est daté, et je pense qu'Hervé va renchérir là-dessus, ce sont ce qu'on appelle un minéral, qui est le zircon. Expliquez-nous ce que c'est que le zircon, alors, ça va être très important pour toute cette émission. Alors, on va beaucoup parler de terre silicatée, c'est un silicate, c'est-à-dire un corps solide, un composé chimique solide, composé essentiellement de silicium et oxygène, sous forme de tétraèdre dans la structure, le tout lié par le zirconium. Qu'est-ce que c'est que le zirconium alors ? Le zirconium est un des éléments, des 80 et quelques éléments de la classification périodique. C'est un métal utilisé dans l'industrie pour un certain nombre d'applications qui serait trop long de développer ici. Mais le zircon a ceci de très particulier. C'est d'abord qu'il est souvent riche en uranium. Et donc, du coup, il va fournir une plateforme excellente pour la datation, puisque l'uranium se transforme en plomb sous deux périodes, et c'est le chronomètre qui est utilisé dans les temps longs de la différenciation planétaire. Mais en plus, le zircon est un minéral très dur, difficilement altérable, c'est-à-dire par les agents atmosphériques et hydrauliques, et qui a pu survivre sur des périodes de temps là où les autres minéraux ont disparu par l'érosion. Donc voilà ce que on a comme le plus ancien témoin solide de la Terre primitive en surface. Hervé Martin, peut-être pour préciser le zircon, pourquoi c'est si important justement dans ces processus de datation très très très longs, c'est que si je résume un peu et je vais vous laisser me compléter, il suffit de compter justement dans ces minéraux la proportion d'uranium et de plomb, donc d'uranium qui est devenu du plomb, et ça permet d'avoir vraiment, comme ça n'a pas bougé depuis, comme vient de le dire Jean-Pierre Laurent, depuis aussi longtemps grâce à cette solidité, une datation relativement précise sur des échelles de temps extrêmement longues. Je pense que les géologues adorent les zircons parce que les zircons, au départ, ne contiennent pas de plomb. Et donc, tout le plomb que l'on va trouver à l'intérieur de ces cristaux provient de la désintégration de l'uranium. Et donc, c'est quelque chose qui les rend faciles à dater. On peut facilement faire le bilan entre les atomes fils ou filles que sont les atomes de plomb et les atomes parents que sont, par exemple, l'uranium. Je vous en prie, Hervé Martin, continuez, allez-y. Je voulais juste rajouter un point qui est que, effectivement, les matériaux les plus anciens, c'est-à-dire ces cristaux de zircon, ont un âge de 4,4 milliards d'années, mais les roches qui contenaient et dans lesquelles ont cristallisé ces cristaux de zircon ont disparu depuis longtemps. Et que les plus vieilles roches que l'on connaisse à ce jour ont 4 milliards d'années seulement. Donc il y a toute une période de l'histoire de la planète pour laquelle on n'a pas de roches, mais on a simplement quelques minéraux, c'est-à-dire des composants des roches. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15, nous parlons donc de la Terre primitive, de cette Terre en fusion au tout début de son histoire, en compagnie de Jean-Pierre Laurent et d'Hervé Martin. Jean-Pierre Laurent, vous pouvez peut-être nous raconter, donc, puisqu'on a évoqué ces problèmes de datation, cette première boule de roche en fusion, comment se fait-il qu'on passe eh bien, de poussière spatiale, de planétésimaux, à quelque chose qui est cette température de fusion de la roche aussi élevée? Alors, il faut rappeler, là encore, le mécanisme de croissance d'une planète, qui est un mécanisme qui va prendre plusieurs étapes. D'abord, effectivement, de poussière à planétésimaux, des petits fragments d'un kilomètre, à peu près, d'ordre de grandeur. Et ceci va prendre assez peu de temps par rapport à ce qui sera la croissance même de la planète. On parle de milliers d'années. Puisque plus il y a de particules formées, et plus les chances de collision vont être importantes. Ensuite, les phénomènes gravitaires vont commencer à apparaître, et donc du coup, croissance de certains corps par rapport à d'autres. Et là, on va arriver au stade qu'on appelle embryon planétaire, planétoïde. Là, on est aux milliers de kilomètres. C'est un ordre de grandeur. Hein. Par exemple, la planète Mars, il est très possible qu'elle se soit arrêtée à ce stade de planétoïde. Et ensuite, les grosses planètes comme la Terre, mais aussi Vénus, qui est une autre planète rocheuse, là, il faut un dernier stade, qui est un stade cataclysmique. Là, c'est la croissance par des gigantesques impacts, donc des corps au-delà de 1000 km de diamètre. Et ces impacts sont peu nombreux, parce que statistiquement, quand ils se produisent, il y a moins de matière disponible. Par contre, ils vont être catastrophiques. Et c'est là qu'intervient justement cette fameuse cette formation de la Lune qui va intervenir par la collision d'une Terre, je dirais, à 80% de son volume actuel et d'une planète de l'ordre de 3000 km de rayon. Donc on parle de taille de Mars quand même, hein, auquel on a donné ce fameux nom de Théia, mère dans la divinité grecque de Sélène. Sélène, qui est la lune, de la Lune, qui a donné sélénium après pour le métal. Hervé Martin, un mot là-dessus justement. Alors, je précise à nos auditeurs qu'on avait consacré une émission entière à cette collision. D'ailleurs, Noémie Naguet vous a déjà posté le lien sur notre fil Twitter, mais on va le réévoquer cette fois-ci du point de vue de la Terre, puisqu'on l'avait évoqué pour parler de la création de la Lune. Cet impact. Que s'est-il passé exactement? Comment est la Terre, en tout cas ce qu'était la Terre avant cet impact en termes justement d'accrétion, et qu'en résulte-t-il, Hervé Martin? Alors, bon, pour l'état de la Terre avant ce phénomène de collision qu'il y a avec Théia, qui a donné la Lune, c'est un sujet de débat, mais je pense qu'il y avait déjà une grande partie de la Terre qui était fondue, parce que l'énergie de ces chocs entre les planétésimaux ou les protoplanètes ont libéré beaucoup d'énergie. L'énergie cinétique du choc se transformant en énergie thermique. Et puis, il y avait aussi dans ces planètes un certain nombre d'éléments radioactifs. Alors, on pense toujours à l'uranium, etc., mais qui sont des radioactivités de longue période. Mais à cette époque-là, il y avait des radioactivités qu'on appelle aujourd'hui radioactivité éteinte, qui était de plus courte période. Je pense à l'aluminium 26, qu'est-ce qu'il peut y avoir, le beryllium 10, le fer 60, etc., qui sont des radioactivités qui ont pu produire aussi énormément d'énergie. Donc je pense qu'il y a deux choses qui se combinent. Essentiellement, la transformation de l'énergie cinétique des chocs en énergie thermique, mais il y a aussi un apport des radioactivités, longue période et courte période. Mmh. C'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre si on veut essayer de se visualiser cette période où donc la Terre telle qu'on la connaît est encore en fait en phase de formation, elle n'est pas encore complète au sens où elle le sera certainement, et d'ailleurs pas tout à fait après le choc de Teia, parce qu'il y a encore le grand bombardement tardif qui va continuer et qui va être important, on en parlera tout à l'heure, Jean-Pierre Laurent, mais c'est que ça, c'est un astre qui s'est agrégé, il y a les forces gravitationnelles, il y a les éléments radioactifs qui dégagent de la chaleur, et puis il y a des bombardements en permanence qui font que c'est un véritable champ d'astéroïdes en quelque sorte qui ne fait que augmenter un peu plus la température de cet astre. Alors oui, tout à fait, c'est les astéroïdes. Bon, faut quand même rappeler d'où est-ce qu'ils viennent. Ils viennent d'une ceinture entre Mars et Jupiter. En fait, tout ça est lié à des désordres dans les orbites qui sont. On pense que l'impacteur géant qui a causé la Lune est s'est trouvé déséquilibré par la migration des planètes géantes vers l'extérieur du système solaire, Jupiter en particulier. Le fameux modèle de Nice dont il a été laissé beaucoup question également dans cette émission. En ce qui concerne la chaleur, oui, les radioactivités, alors là, il y a plusieurs dizaines d'éléments qui ont pu entrer en cause. Il y a l'uranium, le potassium, le thorium. Les radioactivités à courte période dont parlait Hervé tout de suite, et qui, elles, par contre, se sont très rapidement éteintes. Quand on parle de radioactivité à courte période, c'est quelques centaines de milliers d'années à quelques millions d'années. Donc si elles sont intervenues, c'est effectivement à un stade très précoce, donc très probablement avant l'impacteur géant qui a formé la Lune. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude récente, et c'est d'ailleurs cette étude qui nous a donné l'envie de faire cette émission aujourd'hui, qui propose que les restes de Teia existent toujours et peuvent être retrouvés dans le manteau inférieur, dans des zones assez précises. J'imagine que vous la connaissez. Oui, je connais ce travail. Bon, alors là, évidemment, le problème, c'est que le manteau inférieur est inaccessible. Parce que le manteau inférieur, on est à combien de profondeur? On est au-delà de 670 km jusqu'à 3000 km. Donc, il n'y a absolument aucun espoir d'aller un jour, il sera toujours plus facile. De forêt, mais en tout cas, il est accessible par les ondes sismiques. Oui, mais là, c'est une information indirecte qui ne donne pas de grand-chose sur la géochimie, par exemple. Ouais. Hervé Martin, sur cette étude en particulier, sur l'état de la Terre à ce moment et au moment de cet impact massif et cataclysmique avec Teia. Oui, alors je ne sais pas si c'est le moment d'aborder ce sujet, mais un point aussi qui est important et qui résulte de ce passage à l'état liquide de la Terre, c'est le fait que les planétésimaux, qui sont plus ou moins de type chondritique, qui ont contribué à la formation de la Terre, sont constitués de minéraux, des silicates, et aussi du fer, qui sont répartis de façon à peu près homogène. Et ce que l'on voit aujourd'hui quand on regarde la planète, on apprend ça en quatrième, c'est que la Terre est constituée d'un noyau de fer et d'une enveloppe de silicate, soit la croûte, soit le manteau. Et donc, il s'est passé quelque chose au tout début de l'histoire de la Terre, qui est la séparation du métal, et ce métal a migré vers l'intérieur de la planète. On avait donc des planétésimaux dans lesquels on avait une répartition homogène du fer et des silicates, et on aboutit à une planète, la Terre, comme beaucoup d'autres planètes d'ailleurs, dans laquelle on a un noyau de fer et un manteau de silicates, c'est-à-dire une séparation des deux. Ouais. Et donc la question qui s'est posée, c'est quand ce phénomène s'est-il produit? Alors, les géochimistes ont utilisé des radioactivités éteintes, celles dont on parlait tout à l'heure, et en particulier le système du 182 hafnium qui se désintègre en 182 tungstène, l'hafnium allant dans le manteau, le tungstène allant dans le noyau, et le résultat de ces travaux sur les isotopes du tungstène montre que la différenciation du noyau, c'est-à-dire la séparation des silicates, s'est produite plus ou moins 30 millions d'années après le début de la création de la planète. C'est-à-dire que ce phénomène avait dû commencer bien avant le choc avec Teia. Ouais. Et c'est déjà eu un début de différenciation de la planète très précoce. Mmh. Oui, et c'est intéressant cette différenciation primitive. On va voir que ce qui est important et la raison pour laquelle vous évoquiez cette différenciation initiale, Hervé Martin, c'est que on pense que cet impact avec Theia, qui possédait elle-même déjà vraisemblablement un noyau métallique, et bien que Absolument. Les deux noyaux se sont vraisemblablement mêlés l'un à l'autre et que ça a accéléré et bien la migration des éléments métalliques vers le noyau et la séparation d'avec les silicates. Ces études des restes de Theia, c'est précisément ce à quoi vous vous êtes intéressé, Céline Lozen, en vous rendant à l'Institut de physique du globe de Paris. Bonjour Céline. Bonjour Nicolas. Oui, on pense qu'à ces temps primitifs, la Terre était fondue dans un océan de magma, océan qui s'est progressivement refroidi jusqu'à il y a environ 4 milliards d'années. Mais comment est-on capable de comprendre les processus de solidification et de cristallisation dans la mesure où la Terre, dont l'activité interne est très intense, ne recèle plus aucune trace tangible de ces périodes-là et qui pourrait témoigner de ces mécanismes ? Dans l'équipe Cosmochimie, Astrophysique et Géophysique Expérimentale, Frédéric Monnier fait des expériences sur des roches de Lune, puisqu'on pense que la Lune a été formée en grande partie à l'issue d'une collision d'un impacteur avec la Terre jeune. Étudier les roches de Lune, c'est donc sonder le passé de la Terre à travers les indices que nous offre leur analyse chimique. La Terre, contrairement à la Lune, est une planète qui est active, qui a ce qu'on appelle la tectonique des plaques. On a de l'érosion, on a du vent, on a de l'eau, et donc tout ça fait qu'avec le temps, les roches disparaissent, qui n'est pas le cas de la Lune. La Lune, c'est une planète qui a, depuis quasiment sa formation, plus aucune activité. Et donc on retrouve cette croûte dite primordiale, ces premières roches, donc, qui ont 4,4 milliards d'années. Et donc, suite à cette arrivée de ces roches lunaires, on les a datées, puis on a aussi regardé leur chimie. Et on peut supposer raisonnablement que le processus de refroidissement de la Lune est similaire à celui qu'a connu la Terre. Oui, donc on pense que la théorie de formation de la Lune par un impact géant entre une planète de la taille de Mars, donc qui fait à peu près 10% la taille de la Terre, avec la Terre, il y a 4,4 milliards d'années, a donc fondu une très grande partie de la Terre, la totalité de l'impacteur. Une partie va former la Lune, donc qui va se retrouver sous forme fondue et qui ensuite va cristalliser, puis va aussi avoir fondu une très grande partie de la Terre. Et donc, ensuite, les deux planètes vont refroidir, alors pas aux mêmes vitesses, parce qu'elles n'ont pas la même taille, mais on peut quand même faire un parallèle entre les deux planètes. Et donc, l'étude de la Lune nous donne aussi quand même beaucoup d'informations sur les conditions de la Terre à cette époque. Alors, je vous montrer ça, regardez ça. Ce sont des roches lunaires que... Alors, des roches lunaires, on en a beaucoup. Roches lunaires. Dans votre bureau. Dans mon coffre, vous voyez, donc on les garde tous dans un coffre-fort, en particulier pour toutes les roches d'Apollo. Ça, c'est pas une roche d'Apollo, c'est une météorite. C'est ce qu'on appelle une brèche, parce que quand on a eu l'impact, on a un peu tout mélangé. Et donc, dans ce bout de lune, vous voyez, bon, c'est pas particulièrement joli, mais on voit qu'il y a des petits bouts blancs, des petits bouts noirs. Alors là. C'est vrai que ça va du gris moyen. Alors vous voyez qu'un peu, c'est un peu rouillé là aussi. Des taches blanches, en fait. Là, les gros bouts blancs, donc vous voyez, c'est ça, c'est vraiment la croûte primordiale. C'est ces bouts blancs qui ont 4,4 milliards d'années. Ça, c'est des choses, vraiment la croûte d'origine de la Lune. Tout ce qui est noir sur la Lune, c'est des basaltes, c'est des laves qui se sont formées plus tard, qui peuvent aller jusqu'à 2 milliards d'années. Mais vraiment, les zones blanches ici, c'est l'information qu'on a perdue sur la Terre, c'est-à-dire la croûte primordiale, et qu'on a sur la Lune. Et donc, ça, vous voyez, ça c'est une brèche. Et sinon, ça, c'en est d'autres. Hein. Ouais, ça, elle est jolie, celle-là. Et donc, ça. C'est aussi une météorite qui a été trouvée dans le désert du Sahara, mais là, une partie qui est beaucoup plus homogène. Et donc ça, c'est une partie, ça, c'est un bout de basalte. Et ça, c'est un bout des mers. Et donc c'est un bout qui est assez homogène, donc on peut étudier dans le laboratoire, encore une fois, qui nous donne des informations. Donc on a des météorites, beaucoup de météorites lunaires, d'échantillons d'Apollo. Je l'ai sorti, je l'ai mis dans un tube plus petit, donc là, vous pouvez voir. Oui, donc j'en ai fait de la poudre. Ça, c'est Apollo 15. Vous l'avez broyé. Je l'ai broyé, moi, je l'ai broyé, moi, je détruis tout. On va monter. Donc, tous nos échantillons de laboratoire sont là, donc je vais vous montrer. Donc on travaille dans des salles blanches, donc ce qu'on veut pas, c'est du zinc de Paris, du plomb, du calcium, parce qu'on veut mesurer le calcium de l'échantillon terrestre ancien ou de la roche lunaire. Et donc on travaille dans ces salles blanches qui sont en surpression, donc qui fait qu'on a un environnement très propre pour travailler, dans lequel on peut avoir nos échantillons, les ouvrir, les manipuler. Justement, les échantillons que vous m'avez montrés, oui. On les manipule pas directement comme ça, on en prélève. Alors déjà, je vais pas tout prendre. J'en découpe un petit bout avec une scie. Donc encore une fois, ça fait une tranche. On en fait une tranche qu'on va ensuite broyer, mais on fait la tranche et ensuite il faut la nettoyer. Donc cette tranche, avant de la mettre en poudre, on ne pourra plus la nettoyer. Et ensuite, on va la réduire sous forme de poudre. Et ensuite, nous, ce qu'on veut faire avant d'aller à notre spectromètre de masse, c'est séparer, par exemple, tout le calcium et enlever tout le reste. Et c'est ensuite cet élément, une fois qu'il est purifié, qu'on va injecter dans notre instrument, notre spectromètre de masse. Et c'est grâce à cette machine qu'on va pouvoir donner l'abondance des isotopes de, cette, de l'élément qui nous intéresse, donc dans ce cas-là, le calcium. Vous croyez ça, c'est le spectromètre de masse, la nouvelle génération. C'était le premier en Europe quand on l'a eu il y a 6 mois. Alors maintenant, il y en a d'autres. En fait, voyons, on va injecter notre élément et ça va suivre un parcours comme ça jusqu'à arriver au bout là. Ça fait comme ça. En fait, l'échantillon, le calcium, il est dans le liquide là, que vous voyez là. Vous voyez un petit tube. Donc au début de la chaîne, voilà, il y a cet échantillon. Ça commence là, en solution. Notre calcium, on l'amène là, en solution. Ouais. Il est injecté dans ce petit capillaire. Ça va arriver là, et là vous pouvez regarder, il y a ce qu'on appelle un plasma, on a un gaz qui est ionisé d'argon, on est à 6000 degrés là. En fait vous le voyez, dans cette cuve là il y a 6000 degrés. 6000 degrés, c'est un plasma un peu comme le soleil si vous voulez. D'accord. Et beaucoup moins chaud. Et donc ça, ce plasma, c'est un gaz ionisé, quand on envoie notre calcium dedans, il va échanger des électrons, il va lui-même s'ioniser, ça fait un ion. Et cet ion ensuite, il rentre dans cette boîte que vous ne voyez pas à l'intérieur, il y a un tube. Et il va passer à travers un aimant ici. Et quand ça passe à travers d'un aimant, cet ion qui a été accéléré, on va séparer les différents isotopes en fonction de leur masse dans l'aimant, par séparation électromagnétique. Et donc en bout de course, qu'est-ce qu'on obtient ? Et en bout de course, on a des petites cages dans lesquelles les différents ions vont venir taper. Et en fonction de la quantité des différents isotopes, on va pouvoir retrouver leur quantité relative, leur abondance relative, et donc faire ce qu'on appelle des rapports isotopiques. Donc la suite dans ce travail-là, c'est de faire de plus d'expériences, parce que les expériences dont je vous parlais tout à l'heure, quand on faisait haute pression, on ne pouvait pas non plus aller aux pressions du bas de l'océan de magma, donc ils sont à très grande profondeur. Et donc maintenant, on va pouvoir réévaluer ce fractionnement des isotopes du calcium entre les différentes phases qui sont présentes dans le manteau en profondeur lors de la cristallisation de l'océan de magma. Une question, c'est est-ce que l'océan de magma faisait toute l'épaisseur du manteau terrestre, que la moitié, qu'on ne sait pas tout ça. Si on arrive à remonter à quelle température ça s'est fait, on aura des informations sur la profondeur à laquelle ça s'est produit. Voilà le reportage du jour de Céline Lezen à l'Institut du Globe de Paris avec Frédéric Moynier. Peut-être une réaction à l'Institut Physique du Globe, pardon. Une réaction à ce que vous venez d'entendre l'un et l'autre, Jean-Pierre Laurent. Oui, bien, écoutez, ces expériences effectivement sont capitales pour connaître la Terre profonde. Hein, il n'est pas question d'aller jusqu'à 1000 km et donc les expériences à très haute pression sont la source de notre connaissance, tout du moins de la géochimie, qu'elle soit élémentaire ou isotopique. En ce qui concerne la profondeur de l'océan magmatique, puisque ça c'était évoqué tout à l'heure, on a une gamme d'éléments qui sont en fait des traceurs extrêmement sensibles, c'est ce qu'on appelle les éléments sidérophiles, ceux qui ont l'affinité pour le fer. Mmh. Ceux qui ne devraient plus être là dans la planète si le noyau s'était formé et était entièrement disparu et avait entièrement épuisé le stock de ces éléments. Or, on en trouve encore dans la planète et dans des abondances mesurables. D'où l'hypothèse, effectivement, que ce noyau s'est formé non pas à pression ordinaire, mais à la base de cet océan magmatique à 1000 km, 1000, 1500 km, et donc, on retrouve ces conditions lorsqu'on examine expérimentalement le partage de ces éléments sidérophiles. On retrouve ces valeurs de l'ordre de 1000 km, 1500 km. Mmh. D'où l'importance, je le souligne, de l'approche expérimentale pour cette phase de l'histoire de la Terre. Mmh. Un mot pour nos auditrices et nos auditeurs aussi, si vous voulez, comme Céline Lozen, rêver avec ces petits fragments de lune. Elle en a pris quelques photos parce qu'elle est partageuse, Céline Lozen, et vous pouvez les retrouver, on vous les a postées sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Hervé Martin, une réaction à ce reportage également. Oui, alors je ne suis pas vraiment sur le reportage, mais il est fait beaucoup référence à une analogie avec la Lune. Et je pense que l'analogie avec la Lune est absolument excellente, mais que transposer directement à la Terre peut amener quelques problèmes. En particulier, quand on regarde, et c'est ce qui a été dit, sur la Lune, on a eu des cristallisations de feldspath. Les feldspath ont flotté. Il s'agit de feldspath plagioclase. Et ils ont flotté et ils ont donné une croûte Je ne sais pas si le mot anorthogénique a été employé. Jean-Pierre Laurent vient de le murmurer à l'instant. Vous l'avez dit quasiment en même temps. Il l'a juste murmuré au micro. On l'a à peine entendu. Mais je vais vous laisser le redire pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agit pour nos auditrices et nos auditeurs. Hervé Martin, cette croûte, elle est... Alors, c'est une croûte que l'on dit anorthogénique, c'est-à-dire c'est du plagioclase, c'est-à-dire un feldspath. Le plagioclase est un feldspath qui contient du calcium et du sodium. Et ces minéraux, dans un milieu dans lequel il n'y a pas d'eau, ou très très peu d'eau, vont avoir une densité plus faible que celle du magma et flotter. Le problème que l'on a à donc c'est ce qui va donner cette croûte anorthogénique. Quand vous regardez la Lune le soir, vous voyez qu'elle est toute blanche à part ses grandes mers. Ce sont ça les anorthosites qui forment la croûte de la Lune. Et cette croûte a joué un rôle important parce que elle a permis de faire un petit peu comme un couvercle, c'est-à-dire d'éviter un refroidissement trop rapide de l'océan magmatique. Et puis surtout, étant donné qu'on a pu avoir des échantillons de ces anorthosites, on a pu les dater. Alors, je ne sais plus quel est l'âge exact des anorthosites. Ça va être 4 milliards 450 quelque chose. Ah, Jean-Pierre Laurent va peut-être le préciser dans un instant. Je vous en prie, terminez, Hervé Martin. Et donc, ça veut dire que l'océan magmatique a vécu jusqu'à cette date-là. Mmh. C'est-à-dire que lorsque l'on date les anorthosites, on date ces minéraux, et ces minéraux se sont formés à la fin de l'océan magmatique, lorsqu'il s'est refroidi, lorsqu'il a cristallisé. Et donc, le problème qui se pose pour la Terre, c'est que sur Terre, il y a de l'eau. Alors, je ne sais pas sous quelle forme était l'eau à ce moment-là, mais il y avait de l'eau, soit avec des silicates, soit sous forme de vapeur. Et que, dans le cas d'un magma avec en présence d'eau, eh bien, les feldspaths ne vont pas flotter parce que leur densité sera légèrement supérieure à celle du magma. Et donc, sur Terre, on n'a pas eu de croûte anorthositique et du point de vue géochimique, on n'a pas encore trouvé d'évidence de l'existence d'une croûte anorthositique. Mmh. Et donc, se pose le problème pour l'océan magmatique de la vitesse de ce refroidissement. C'est-à-dire que si on laisse un océan magma avec du basalte ou des roches ultrabasiques en surface, elles vont cristalliser, se solidifier, couler, et très rapidement, il va s'établir une espèce de convection et l'océan de magma va se refroidir très très rapidement. Il a été calculé que c'est inférieur à 1 million d'années. Mmh. Or, on sait que l'océan magmatique a vécu sur Terre, a vécu plus longtemps. Et donc, ça veut dire qu'il y avait probablement quelque part un couvercle sur cet océan de magma pour protéger, pour éviter une trop forte et trop rapide déperdition de chaleur. Et donc, on ne sait pas. On ne sait absolument pas quelle est la nature de cette croûte. Il a été proposé à une époque qu'il puisse s'agir de minéraux provenant de l'altération d'olivine, de pyroxène, c'est-à-dire les roches, les basaltes qui se forment à la surface de l'océan magmatique sont altérés par de l'eau. Alors cette eau pouvant très bien être sous forme de vapeur. Hein, c'est pas nécessairement. Oui. À ces températures-là, on imagine mal qu'elle soit liquide, en tout cas. Absolument. Et donc, à ce moment-là, ça aurait pu former des roches du type des serpentines, c'est-à-dire des serpentinites, donc des roches qui contiennent des minéraux très riches en eau et surtout qui ont une densité plus faible que celle du magma basaltique, et qui donc aurait pu flotter, faire une espèce de protocroûte à la surface de l'océan magmatique. Mais comme je vous le dis, on n'a aucune contrainte, aucune preuve de ça. C'est simplement un jeu de l'esprit en se disant il faut qu'il y ait une croûte pour protéger d'un refroidissement trop rapide, et ensuite ce sont des spéculations. Mais c'est exactement ce dont il va être question dans les prochaines minutes de cette émission, cette protocroûte, ce processus de refroidissement. Quels sont les indices dont on dispose? On a parlé du zircon, mais on va parler d'autre chose, peut-être d'isotopes, de l'oxygène. On va essayer de voir comment a continué à se former et à se refroidir cette proto-terre. Vous allez voir que bien c'est un sujet qui fait effectivement, comme vient de l'expliquer Hervé Martin, encore débat, pas mal de questions, et que ces questions sont toutes, sans exception, absolument passionnantes. Je laisse des pièces de moi, des Lego, des mécanos, des pièces un peu rouillées, des assemblages un peu osés. je laisse des nuits d'amour dans ma carlingue funambule, des morceaux de bravoure, des lignes tracées sur l'écume. J'ai plus comment. Dalva à 16h41 sur France Culture. Nous parlons de la Terre primitive et de son refroidissement. Comment sommes-nous passés d'une énorme boule de magma et de roche en fusion, eh bien, à la planète que nous connaissons aujourd'hui tempérée? Eh bien, nous en parlons avec Jean-Pierre Laurent, qui est directeur de recherche CNRS, directeur au laboratoire de planétologie et géodynamique à l'Université de Nantes et au Muséum national d'histoire naturelle, et Hervé Martin, qui est professeur de géologie et géochimie à l'Université Clermont-Auvergne, au laboratoire Magmas et Volcans, équipe de géochimie. Peut-être qu'on peut faire un petit récapitulatif, Jean-Pierre Laurent, de bien ce moment où bien la collision avec Theia a eu lieu. La Terre est encore de ce moment qu'évoquait Hervé Martin juste avant la coupure musicale, c'est-à-dire comment est la Terre, comment est-elle constituée avant qu'apparaisse cette protocroûte pour laquelle on a pour le moment que des hypothèses. Alors sur l'état exact, on n'a absolument pas d'informations, comme le disait Hervé. Parce que malheureusement, même en regardant le ciel ou les galaxies très lointaines, on n'a pas encore vu d'impact de ce type, qui est un impact absolument surdimensionné. La Terre, lorsque l'impact s'est produit, donc il y a évidemment une grosse partie de l'impact. L'impacteur est pratiquement volatilisé. L'impacté va lâcher énormément de matière dans la stratosphère, même bien au-delà. Qui va constituer la Lune, à terme. À terme constituera la Lune, mais avec quelques petites fioritures. Mais surtout, on a une Terre complètement enveloppée d'un nuage de roches silicatées vaporisées, totalement vaporisées. Donc, imaginons un brouillard à 2500 degrés. Et l'extérieur, qui est, lui, du magma, c'est-à-dire la définition d'un magma, ben, c'est de la lave. Et aussi des gaz. Donc s'il y a eu de l'eau à cette époque-là, il y a de grandes chances qu'elle ait été dissoute dans le magma. Mmh. Eau et autres composés volatiles constituant les gaz. Mmh. Il faut rappeler aussi que la Terre n'a pas gardé d'atmosphère primitive du système solaire. Toute son atmosphère est ce qu'on appelle une atmosphère secondaire, reconstituée par l'impact, le dégazage du manteau et la cristallisation. Oui. Alors d'où vient cette eau, ça? Ça, c'est une grande question. Voilà. D'où vient l'eau? Parce que comme le disait Hervé Martin tout à l'heure, elle ne peut être qu'à l'état de vapeur. On suppose qu'elle est probablement apportée par ce qu'on appelle le grand bombardement tardif. Alors là, il y a un gros problème de chronologie, parce que le grand bombardement tardif n'arrive que vers 3,8-3,9 milliards d'années. Donc Là, on est déjà dans la Terre géologique. C'est un débat qui n'est pas clos, mais en tout cas, pour beaucoup, c'est quand même le... Elle est là avant l'impacteur tardif. Mmh. Le grand bombardement va ramener d'autres éléments dont on pourra parler un petit peu tout à l'heure. Mais il est, en tout cas, en volume, il n'est pas assez abondant. La masse n'est pas assez abondante pour expliquer, par exemple, le volume des océans. Mmh. Hervé Martin, sur cet état de la Terre, on est là du coup autour de 4,2, entre 4,2 et 4 milliards d'années à peu près. Oui, disons que à 4,4 milliards d'années, on voit malgré tout apparaître les premières roches, disons de type granit, de type continental. Mmh. Et donc tout ça, ça correspond au message qui a été apporté par les zircons, et en particulier les zircons qui viennent d'Australie de l'Ouest, d'une région qu'on appelle Jack Hills. Ces cristaux de zircon ont vraiment changé notre vue qu'on avait de cette Terre ADN, et en particulier parce qu'ils montrent que le refroidissement a été probablement beaucoup plus rapide que ce qu'on a pensé pendant longtemps. Par exemple, les cristaux de zircon, comme dit Jean-Pierre, contiennent du zirconium, du silicium, de l'oxygène, éventuellement un petit peu d'uranium et thorium, mais ils peuvent contenir de petites quantités de titane. Et les chercheurs se sont aperçus que la quantité de titane était proportionnelle à la température de cristallisation du cristal de zircon. Et donc, nous, géologues, on utilise ça à l'inverse, on mesure la quantité de titane dans les cristaux de zircon et on sait à quelle température ils ont cristallisé. Eh bien, concernant ces zircons anciens, à 4,35 ou 4,4 milliards d'années, eh bien, on tombe sur des températures qui sont des températures basses, c'est-à-dire des températures de l'ordre de 750-800 degrés. Oui, c'est à peine plus de 1000 degrés, alors qu'avant, on était à 4-5000, hein, c'est ça. Voilà, on est à des températures qui sont en dessous de 1000 degrés. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement surprenant, parce que ça veut dire que la partie externe, pour le moins la partie externe de la Terre, s'était refroidie rapidement. Et en plus, ce que ça a apporté, c'est que pour avoir de telles températures de cristallisation, pour que des magmas cristallisent à si basse température, eh bien, ça n'est possible que dans un système hydraté. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de l'eau dans le système pour que on puisse fondre ou cristalliser une roche à de si basse température. Donc ça, c'est un des premiers apports de ces cristaux de zircon de Jack Hills. L'autre apport réside dans d'autres études qui ont été faites d'isotopes, en particulier l'isotope de l'oxygène, mais aussi des isotopes du lithium, qui montrent que la roche parent, qui a fondu pour donner le magma à partir duquel se sont formés les cristaux de zircon, eh bien que cette roche avait interagi avec de l'eau à basse température. En basse température, c'est 100-200 degrés, c'est une température relativement basse. Et donc, la conclusion qu'en ont tiré les scientifiques qui ont travaillé sur ces cristaux de zircon, c'est qu'il y avait de l'eau liquide, peut-être des lacs, peut-être même des océans, sur Terre, dès 4,35 ou 4,4 milliards d'années. Oui, donc, ça a amené à développer une notion de Terre primitive froide et tranquille, qui est que dès 4,4 milliards d'années, l'océan magmatique devait être, au moins en surface, largement solidifié, et on avait de l'eau liquide en surface et des blocs de croûte continentale. C'est cette fameuse protocroûte. Je suis allé un peu vite en besogne tout à l'heure quand je disais qu'on était à 4,2. Non, on est encore évidemment à 4,4 milliards d'années justement via effectivement ces cristaux de zircon. Un mot là-dessus, Jean-Pierre Laurent, vous vouliez réagir? Alors moi, oui, c'est simplement sur les tout premiers instants de la croûte. Il faut toujours avoir à l'esprit que entre 4,5 milliards d'années et 4 milliards d'années, le bombardement externe est encore extrêmement important. On est quand même aux milliards de tonnes de matière qui arrive de l'espace, avec des gros impacts, hein, des impacts à quand même 100 km de diamètre. Donc, il est très probable que cette croûte, au départ, c'était un espèce de patchwork, hein, c'est-à-dire des endroits où la croûte pouvait subsister avec de l'eau, et d'autres où les impacts étaient ramenés de la chaleur suffisamment en quantité suffisante pour que la croûte refonde et reparte dans la convection du manteau. Oui, et puis il faut bien comprendre que quand on parle de cette protocroûte, elle n'a rien à voir avec celle que l'on connaît aujourd'hui, qui est très épaisse, hein, qui fait 35-40 km d'épaisseur en moyenne. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus fin et de beaucoup plus fragile, et pas avec la même composition. On pourrait comparer ça à une coquille d'œuf, par exemple. Oui. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les zircons, effectivement, bon, sur Terre, leur affinité avec des roches de type, on va dire, granitique, c'est-à-dire des roches modernes, on en a retrouvé ailleurs que... En Australie. On en a retrouvé sur Mars, en particulier sur Mars. Ce qui est intéressant, c'est que là, on sait qu'il n'y a pas de croûte continentale, il n'y en a jamais eu. Et ces zircons datent aussi de 4 milliards 400 millions d'années. Et là, je change de « on » à « nous », parce que j'ai beaucoup participé à cette étude. Et là, on a vraiment l'évidence que ce sont des impacts qui ont permis la cristallisation de roches très évoluées à zircons, qui aussi témoignent probablement de l'eau liquide sur Mars. Ouais. Donc, il y a deux approches pour les tout premières époques de la Terre, qui sont encore proposés à l'heure actuelle. Pour compléter ce que disait à l'instant Hervé Martin, effectivement, et notamment sur ce rapport isotopique de l'oxygène hein, au 18, au 16, il faut, si on revoit, parce que c'est grâce à ce rapport isotopique qu'on s'est rendu compte qu'il y avait de l'eau jusqu'à 400 millions d'années plus tôt que ce qu'on imaginait auparavant, et qu'il faut plutôt imaginer à ce moment-là la Terre, non pas comme une boule de lave en fusion, mais plutôt comme une espèce de gigantesque hammam, avec c'est quelque chose comme ça. Oui, c'est-à-dire des oasis. Où la vie aurait pu déjà émerger. Avec et puis, beaucoup de points d'interrogation. Oui, non, mais là, j'ai un point inconditionnel plus que parfait. Ouais. Mais, et des endroits où, au droit des impacts, il n'y avait absolument aucune solution que la croûte refonde. Quoi. Hervé Martin, sur cette protocroûte, comment est-ce que l'on passe de cette coquille d'œuf au début de la croûte continentale que l'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas une forme de solidification, vers une roche qui est la roche contemporaine, même si évidemment le sens de contemporain est à prendre avec une exception très très très vaste, c'est-à-dire celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors, disons les mécanismes de genèse de la croûte continentale il y a 4 milliards d'années étaient différents des mécanismes qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Ça vient du fait que la Terre était beaucoup plus chaude. Hein. Globalement, je pense que la production de chaleur interne de notre planète était de l'ordre de 4 fois plus importante qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards d'années. Donc on avait globalement une Terre interne qui était chaude. Et pour fabriquer la croûte continentale à cette époque-là, la chose dont on est sûr, c'est que toutes les roches les plus anciennes que l'on connaisse, là je parle des roches, les plus anciennes que l'on connaisse, eh bien, elles se sont formées par fusion d'une roche de composition basaltique. C'est-à-dire qu'on devait avoir une croûte basaltique, je dirais pas une croûte océanique, c'est beaucoup trop, ça a trop d'implications. Un peu anachronique, quoi, encore. Pour le dire, mais il y avait des roches basaltiques qui ont fondu et qui ont donné ces roches particulières à la période que l'on appelle l'Archéen, c'est-à-dire des roches qui ont entre 4 milliards et 2,5 milliards d'années. Et donc, on avait fusion de ces basaltes. Aujourd'hui, du fait que la Terre s'est globalement refroidie, eh bien, on n'est plus capable de fondre les basaltes dans ces conditions-là, disons en général, et la croûte continentale se forme par fusion du manteau hydraté dans les zones de subduction. Là, si tout le monde est... Dans les dorsales océaniques. Hein. Pardon ? Dans les dorsales océaniques. Voilà. Oui. Si tout le monde est d'accord pour dire que la croûte archéenne s'est formée par fusion de basalte, en revanche, il y a des discussions pour essayer de savoir où ces basaltes ont pu fondre. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'était dans des zones semblables aux zones de subduction actuelles, donc avec une espèce de subduction chaude, mais d'autres personnes pensent qu'on avait une croûte basaltique qui était épaisse, qui se délaminait, la partie inférieure de cette croûte s'enfonçait dans le manteau, et les basaltes fondaient en s'enfonçant dans le manteau. Donc, on est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire c'est la fusion de basaltes, mais l'endroit où ces basaltes peuvent fondre, et le mécanisme de d'enfouissement de ces basaltes, et en revanche, est toujours bien discuté. Oui, parce que ça pose aussi la question de l'apparition de la tectonique terrienne qui serait liée à cet événement cataclysmique, certainement à la fracturation de la croûte. Mais là aussi, il y a beaucoup de points d'interrogation, Jean-Pierre Laurent. Oui, les points d'interrogation sont plus importants que les réponses. C'est ça. À l'heure actuelle, il y a une chose qu'il faut rappeler, c'est qu'on parle de croûte continentale, il y a le mot « continent ». C'est-à-dire qu'un continent, c'est un ensemble rigide qui ne va rester en surface quoi qu'il arrive, qui ne sera pas recyclé par les zones de subduction et la tectonique globale. Et l'apparition des premiers continents, visiblement, s'est faite un peu différemment de ce qu'on connaît après, lors des épisodes, des périodes géologiques les plus récentes. Ouais. En fait, au départ, et ça, on connaît très bien les continents archéens, ce qu'il y a en dessous. Grâce au fait qu'ils sont diamantifères et qu'on les a intensément exploités et recherchés. Et donc, on a dedans des roches volcaniques qui s'appellent les kimberlites, de nom de Kimberley, le premier gisement de diamants d'Afrique du Sud. Et ces kimberlites ont échantillonné 300 km d'épaisseur en dessous de la croûte archéenne. Et on s'est rendu compte que là, on avait du manteau, mais un manteau très particulier, très riche en magnésium. Et du coup, très léger. Mmh. Et ce manteau forme comme des quilles en dessous ces continents archéens, quilles qui ont stabilisé, comme les quilles d'un voilier, qui ont stabilisé les premiers continents et les ont empêchés d'être détruits par la tectonique globale qui va démarrer après. Ce qui signifie, pour conclure en un mot, Jean-Pierre Laurent, que de ces premiers proto-continents, aujourd'hui, il ne reste strictement rien. Non, justement. Non, il en reste de l'ordre, bon, Hervé Martin me contredira de l'ordre de 10 à 15% des continents actuels émergés, il reste 10 à 15% de continents qu'on peut dater de l'archéen. D'accord. Hervé Martin, pour conclure là-dessus. Pour conclure, je pense que le fait que la Terre ait été beaucoup plus chaude à l'archéen, au début de son histoire, a des implications sur le fonctionnement de plaques, de proto-tectonique des plaques. C'est-à-dire que la Terre produisait beaucoup plus de chaleur. On sait que cette chaleur a été évacuée, puisque depuis l'océan magmatique, la Terre n'a pas fondu de façon globale. Or, cette chaleur, elle est évacuée aujourd'hui au niveau des rides médio-océaniques. Et l'un des meilleurs moyens d'évacuer ce surplus de chaleur interne, c'est d'augmenter la longueur des rides océaniques. Et si vous augmentez la longueur des rides océaniques, alors vous allez réduire la taille des plaques. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des plaques dont la taille caractéristique est de l'ordre de quelques milliers de kilomètres. On pense qu'à l'archéen, pour cette raison-là, pour le fait que l'on avait de plus grandes longueurs de rides médio-océaniques, eh bien, la taille des plaques était plus petite, probablement de l'ordre de quelques centaines de kilomètres et non pas de milliers de kilomètres. Donc ça, c'est aussi une implication du refroidissement de la Terre interne, de la planète interne. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci Jean-Pierre Laurent, merci Hervé Martin d'être venu nous parler des premiers instants de notre planète et bien de son refroidissement initial. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. Céline Lezenne, Natacha Triou, Alexandre Morales, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Ève Etienne, Olivier Bétard à la réalisation et Laurie Vachon à la technique. Demain, mercredi, numérique, tout autre sujet, nous nous intéresserons à la nouvelle lubie d'Internet, ce qu'on appelle les jetons non fongibles, les NFT en anglais, sont des objets, des œuvres, des photographies, souvent artistiques, identifiées comme uniques grâce à la blockchain et que se revendiquent comme le nouveau visage de l'art numérique et qui se vendent d'ailleurs d'ores et déjà à des prix confortables, pour ne pas dire plus, entre collectionneurs. On parle des NFT demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire. France Culture. L'esprit d'ouverture.